Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 55. Des vices opposés à la prudence, avec ressemblance. La prudence de la chair, l'astuce, le dol ou la tromperie, la fraude, la sollicitude pour les biens temporels, les inquiétudes sur l'avenir. Source de ses péchés. 1. La prudence de la chair est-elle un péché? Saint Paul a dit, la prudence de la chair est ennemie de Dieu. Romains 8, 7. Une telle prudence est donc un péché. Rien n'est plus évident, puisque l'on appelle ainsi la fausse prudence qui conduit les hommes à mettre leur fin dernière dans les biens matériels. Note. La chair existe pour l'âme, comme la matière pour la forme et l'instrument pour l'agent, elle n'est licitement aimée que tant qu'on la rapporte à l'âme, qui est sa fin. Fin de la note. 2. La prudence de la chair est-elle toujours un péché mortel? La prudence de la chair, qui a pour résultat de nous faire mettre notre fin dans les choses sensibles, est notoirement un péché mortel, mais il arrive parfois qu'un homme, sans se détourner de Dieu par le péché mortel, s'attache cependant d'une manière déréglée à quelque bien sensible. Dans ce cas, la prudence de la chair est seulement un péché véniel. Observons que si on rapporte à une fin honnête le soin de son corps, quand on prend, par exemple, de la nourriture pour soutenir ses forces, ce n'est pas là ce qu'on nomme prudence de la chair. Le soin donné au corps dans ces conditions est un moyen d'arriver à une fin supérieure. 3. L'astuce est-elle un péché spécial? On pèche contre la prudence, soit que l'on veuille atteindre une fin qui a l'apparence de la bonté sans en avoir la réalité, ce qui est la prudence de la chair, soit que l'on poursuive une fin bonne ou mauvaise, par des chemins détournés et trompeurs, au lieu de marcher par la voie droite, et c'est en quoi consiste le péché de l'astuce. L'homme astucieux se voile le cœur par la fourberie, dissimule sa pensée par le mensonge, montre comme vrai ce qui est faux et comme faux ce qui est vrai. L'astuce, qui laisse ainsi le droit chemin pour s'engager dans des sentiers faux, est un péché opposé à la prudence et distinct de la prudence de la chair. 4. Le dol revient-il au péché de l'astuce? Le dol ou la tromperie revient à l'astuce, mais il en diffère comme la laque diffère de la pensée, il en est la réalisation extérieure. 5. La fraude appartient-elle à l'astuce? La fraude revient pareillement à l'astuce. Elle consiste, comme la tromperie, dans la réalisation extérieure des pensées astucieuses, mais elle regarde plus spécialement leur réalisation par les actes, tandis que le dol ou la tromperie s'exerce, soit par les actes, soit par les paroles. 6. La sollicitude à l'égard des biens temporels est-elle permise? Ne dites pas avec sollicitude, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-nous? Matthieu 6, 31. Ces paroles montrent que la sollicitude pour les choses temporelles est mauvaise. Elle l'est, en effet, de trois manières. Premièrement, lorsqu'on fait sa fin dernière des biens terrestres, qui ne doivent pas être le but suprême des efforts de l'homme, secondement, lorsque, par l'effet du soin excessif que l'on met à les acquérir, on oublie les biens spirituels, écueil contre lequel l'Évangile nous prémunit en nous avertissant que la sollicitude du siècle étouffe la parole de Dieu, Matthieu 13, 22. Troisièmement, enfin, lorsque l'on a une crainte exagérée de manquer du nécessaire. Le Seigneur nous a donné trois motifs capables de bannir une semblable crainte. D'abord, Dieu n'a-t-il pas accordé à l'homme l'âme et le corps, bienfait qui dépasse et prévient toute notre sollicitude? Ensuite, ne prend-il pas soin des animaux et des plantes, indépendamment du travail humain? Enfin, nous devons avoir confiance en la divine providence et ne point imiter les païens ignorants, dont les pensées et les soins se portaient principalement vers les choses de ce monde. Cherchons avant tout les biens spirituels, et soyons assurés qu'en accomplissant nos devoirs, nous ne manquerons pas des biens absolument nécessaires. Note. Nous pouvons user des biens temporels pour les nécessités de nos corps, mais nous ne devons pas y mettre notre faim, ni nous en préoccuper à l'excès. La sollicitude de celui qui gagne son pain par un travail corporel sans livrer son esprit à des inquiétudes vaines, n'a rien d'excessif. Il faut travailler, dit saint Jérôme, mais bannir les inquiétudes. Fin de la note. 7. Doit-on se préoccuper de l'avenir? Ne vous livrez point à des inquiétudes pour le lendemain. Matthieu 6, 34. Le lendemain, c'est l'avenir. Nos actions ne sont vertueuses que tant qu'elles réunissent les conditions voulues. L'une de ces conditions, c'est la convenance du temps, selon ce mot, toute affaire a son temps et son opportunité, Ecclésiaste 8, 6, mot qui s'applique non seulement aux actions extérieures, mais à la sollicitude de l'esprit. Chaque temps, en effet, a sa sollicitude propre. Durant l'été, nous nous occupons de la moisson, pendant l'automne, nous faisons les vendanges. Se préoccuper des vendanges durant l'été, ce serait anticiper sur la sollicitude d'un autre temps, ce que condamne cette parole, « Ne vous livrez point à des inquiétudes pour le lendemain, car le Sauveur ajoute, le lendemain se mettra en peine pour lui-même, c'est-à-dire aura sa sollicitude propre, qui suffit pour affliger l'esprit. » Note. L'exemple de la fourmi est proposé à notre imitation, parce qu'elle nous montre une sollicitude conforme au temps où elle travaille. Une prévoyance convenable à l'égard des choses futures rentre dans la prudence, mais ce serait une prévoyance désordonnée que de ne s'occuper que des biens matériels, en recherchant des choses superflues et inutiles à la vie présente ou en anticipant sur la sollicitude d'un autre temps. Quoi qu'il en soit, dit saint Augustin, lorsque nous voyons quelques serviteurs de Dieu prendre des mesures pour ne point manquer du nécessaire, ne jugeons point qu'ils soient coupables de la sollicitude du lendemain. Le Seigneur lui-même a voulu, pour nous donner l'exemple, avoir quelques réserves, et nous lisons dans les actes des apôtres que les fidèles se procuraient d'avance les choses nécessaires à la vie. Le Seigneur ne désapprouve donc pas la prévoyance naturelle, ce qu'il condamne, c'est l'abandon du service de Dieu pour les biens matériels. Fin de la note. 8. Tous les vices dont nous parlons naissent-ils de l'avarice? La fraude, dit saint Grégoire, est fille de l'avarice. Si la prudence de la chair, l'astuce, la fraude, ont quelques similitudes avec la prudence, elles la doivent à l'intervention de la raison, dont elles abusent. Or, parmi les autres vertus morales, la justice manifeste surtout la droite raison, et, par contre, l'abus de la raison apparaît principalement dans les injustices que fait commettre l'avarice. De là vient que tous les vices qui précèdent ont leur source principale dans l'avarice elle-même. Note. On nous dira peut-être que ces vices proviennent plus spécialement de la luxure, et l'on citera ce mot du philosophe, « Vénus est trompeuse ». mais la l'avarice admettant un certain exercice de la raison, tandis que la luxure, personnifiée par Vénus, ravit, selon l'expression du philosophe lui-même, l'intelligence à l'homme le plus sage. Nous maintenons que les vices dont nous parlons naissent plus directement de l'avarice. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.